Bonsoir chers auditeurs de Canal B sur l'antenne du 94 MHz, c'est l'asile le plus sûr comme tous les lundis à partir de 21h30 ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h et des brouettes, émission que vous écoutez peut-être aussi sur sa version internet sur le blog de l'émission, sur le site asile.blogspot.com. Émission podcastable et écoutable en streaming. Il y a aussi un streaming à partir directement de Mixcloud en tapant mixcloud/renman, deux sites dont s'occupe mon camarade qui maintient les liens depuis l'été dernier, les liens de l'émission bien évidemment à jour, ainsi que les playlists. On attaque la sélection de cette semaine avec une nouveauté qui nous vient du Nord. Il s'agit des Skull Defects, nouvel album pour le combo de rock hypnotique suédois qui a déjà une longue palanquée d'opus à son actif depuis une bonne dizaine d'années. Ils vont faire paraître début avril un tout nouvel LP sur le label de Chicago, Thrill Jockey, en compagnie de l'américain Daniel Higgs à la voix qui se prend pour un gourou depuis qu'il a quitté le groupe de hardcore Lungfish. Il avait déjà collaboré avec le combo Skull Defects sur l'album Pyramide qui était sorti il y a tout juste 3 ans. Le nouvel album s'intitule Dances in Dreams of the Unknown of the Known Unknown, une subtilité dans ce nom de l'album de The Skull Defects, et donc comme toujours des rythmes assez motoriques et des guitares fort bien hachées par ces bûcherons du Nord. Il y a déjà un titre qui tourne sur les prompteurs du label Thrill Jockey, mais celui que je propose ce soir, c'est celui qui ouvre cette galette, le titre Pattern of Thoughts par The Skull Defects. Thank you. On a démarré le programme de joyeuseté hebdomadaire de l'asile avec tout d'abord un disque apparaître du combo psyché assez noise The Skull Defects qui s'intitule Dances in Dreams of the Known Unknown, apparaître donc dans un petit mois sur le label de Chicago Thrill Jockey, un album plutôt pas mal dans le genre de rock un peu free que votre serviteur apprécie pour le moins relativement beaucoup. Donc The Skull Defects qui nous ont gratifié d'un nouvel opus un peu dans la continuité du Pyramide qui était sorti il y a de ça 3 ans. Donc un album qui part dans pas mal de directions qui était enchaîné avec un autre disque assez tarabiscoté et nettement plus tarabiscoté encore celui-ci. Il s'agit du premier album des Cloud Becomes Your Hand qui s'intitule Rock or Cakes, qui est un disque qui vient tout juste de voir le jour sur le label Northern Spy pour la version vinylique. Je crois que la version CD sortait également dans la foulée. Donc il s'agit d'un combo de Brooklyn, 5 garçons à casquette munis de guitare, clavier, percussion et autres violons, avec une ambiance pour le moins un peu post-residence, en tout cas pour le titre qu'on a entendu juste avant, mais c'est un peu le cas pour tout cet opus Rock or Cakes des Cloud Becomes Your Hand, une ambiance un peu Rock in Opposition et un peu post-prog. On va pouvoir s'en rendre compte avec un titre que je voulais aussi vous proposer dans cette sélection. J'ai hésité entre les deux morceaux et je me suis dit que celui-ci ferait très bien enchaîner après le précédent. Et donc on écoute les Cloud Becomes Your Hand avec un titre où on va pouvoir entendre le côté violon de cette formation qui n'est pas du tout du flonflon d'ailleurs. Voilà, on écoute le titre Stem from Baby Age par les Cloud Becomes Your Hand. Thank you. Christ of Hell with Rod from Malibu on Mondays. America, a flying clam. Cities burrow, people sing. Christ of Hell with Rod from Malibu on Mondays. Thank you. Une séquence pour chanter sous la pluie qui a démarré avec les nouveaux venus de la grosse pomme Cloud Becomes Your Hand et leur disque Rock or Cakes. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. Donc le vinyle en fait est paru sur Feeding Tube, excellent label américain, et le CD sur le non moins excellent label de New York, Northern Spy, donc pour cette jeune formation menée par Monsieur Cooper, chanteur, guitariste, claviériste. Il sait tout faire, cet homme-là, et notamment le rock dada et psychédélique. Donc vous pourrez vous en rendre compte à l'écoute de ce Rock or Cakes qui vient tout juste de voir le jour et qui était enchaîné avec une pensée magique pour éloigner la pluie. Le disque susnommé Des Marquises, deuxième album pour le combo de monsieur Jean-Sébastien Nouveau, qui est sorti sur le label Ici d'ailleurs. Très très beau disque dont je vous ai déjà proposé deux extraits de cette musique assez cinématique et aussi assez inventive. Ça fait partie des formations plutôt assez original dans le paysage hexagonal francophone. Voilà, donc on enchaîne avec un trio un peu cosmopolite, celui-ci. Il s'agit du trio Belle-Fille Groups Pilia, qui réunit donc deux Italiens, Andrea Belfi, percussionniste, batteur et électronicien. Alors je pense qu'il vit à Berlin, comme pas mal des musiciens improvisateurs et électroacousticiens de ces dernières années. On y retrouve aux côtés donc de David Groups à la guitare, piano, orgue et voix, et Stéphane Pilia également à la guitare électrique. Stéphane Pilia qui a fait partie d'une excellente formation de Bologne, les Three-Quarter Had Been Eliminated, qu'on vous proposait il y a de ça quelques années dans l'Asile le plus sûr. Quant à Andrea Belfi, on a pu l'entendre récemment ici même au sein de Hobo Combo, formation qui reprend les tubes de Moondog. Il joue aussi aux côtés de mademoiselle Carla Bozulich au sein de Evangelista. Donc tous les trois, ils ont signé un deuxième album sous le titre Dust and Mirrors. C'est sorti en vinyle only cette fois-ci sur le propre label de David Groups, Blue Chopstick, ou plus exactement sur la subdivision de Drag City dont il s'occupe. Un album qui suit plutôt les pas du précédent, qui s'appelait On Rushing Cloud, qui était sorti en 2010. C'est donc une musique pour le moins sophistiquée, qui mélange improvisation, guitare americana façon Robbie Bachot, et aussi un sens assez inné du silence. On pense beaucoup évidemment à la musique de Gastre del Sol, un petit peu aussi à celle de Palas Brothers, ou encore Omar Collis quand il sortait encore des albums. A noter d'ailleurs aussi que ce trio Belfi Groups Pilia a collaboré sur une pièce visuelle de l'artiste Angela Bullock, pièce qui va être donnée à Beaubourg dans quelques jours. The Wired Salutation, ça s'appelle. On écoute donc un extrait de ce Dust and Mirrors, très très beau disque donc du trio Belfi Groups Pilia. Un titre pas très long, il y a une très longue pièce qui occupe une grosse partie de la face A, mais là on écoute le titre Brick Dust. Thank you. grind on glass lines in time. Une séquence pour nous mettre la tête dans un sac avec tout d'abord le trio Belfi Groups Pilia et un extrait de ce deuxième disque qui vient de voir le jour sur Blue Chopstick distribué par Drag City sous le titre Dust and My Rose. À noter que ce disque est illustré par de superbes photos de paysages américains, je crois, et donc un disque fort réussi pour la triplette Andrea Belfi, David Groups, Stefano Pilia. On passera peut-être d'autres extraits de cet opus dans de futures émissions. À noter aussi que Monsieur Groups s'est fendu également d'un album solo, toujours sur son entité Blue Chopstick, sous le titre Burrows of Broken Umbrellas, des pièces improvisées, une fois n'est pas coutume, pour piano, guitare, acoustique et électrique. Il a un blog assez fourni, on peut suivre un peu pas à pas ce qu'il fait au jour le jour. Et c'était enchaîné la musique de Belfi Groups et Pilia par des pièces solo de Charles Hayward, l'ex-batteur de Zizit et autres Camberwell Now, qui viennent de revoir le jour sous le titre Smell of Metal, réédité en double 45 tours maxi par le micro-label britannique Kemal, qui est une division du plus gros label Berceuse Héroïque, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs avant cette parution de Smell of Metal, qui est en fait donc la déclinaison en double 45 tours de deux titres qu'on trouvait à l'époque sur l'un des premiers disques solo de Charles Hayward, qui était sorti en CD sur Sub Rosa en 1990 sous le titre Tribute to Mark Rothko. Voilà, donc on retrouvait Charles Hayward toujours dans ses jeux polyrythmiques un peu de bison d'ailleurs sur ce qu'on vient d'entendre, avec toujours son sens assez inné des ralentissements et des contretemps. Voilà, à noter aussi d'ailleurs qu'il y a deux remixes donc sur le deuxième 45 tours maxi de ces morceaux de Charles Hayward, notamment un remix de Maximilian Dunbar. Voilà, je voulais aussi vous signaler que sa formation historique Zizit réédite, enfin en tout cas les survivants de Zizit, à savoir les deux Charles Hayward donc et Bullen, annoncent la réédition de leurs deux LP ainsi que du maxi Else and Efficiency en vinyle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on va continuer avec la musique du duo canadien Nadja, alors qui n'a plus de canadien que la provenance, puisqu'ils sont basés, je crois, à Berlin, qui ont une production discographique particulièrement fournie, à peu près 2 à 3 opus par an, donc vous imaginez. Ils viennent de faire paraître le disque Keller sur le label brésilien Essence Music, qui avait déjà sorti des disques d'Acid Mother Temple et quelques Nadja ou quelques disques de Aidan Baker. Donc un disque un peu dans la lignée de ce qu'ils peuvent produire sous ce nom, donc à savoir une sorte de musique shoegaze, drone shoegaze, un peu doom aussi sur les bords, mais du doom plutôt de hippie comme on l'aime dans l'Asie le plus sûr. Et à noter que pour ce disque Keller, se serait inspiré de Killing Joke, de Joy Division et autres Wire. Alors, je ne sais pas si ça s'entend ou si ça va s'entendre dans le titre qu'on va écouter tout de suite, Mouse, mais en tout cas, c'est un très très beau disque de Nadja que je propose, donc l'album Keller. Thank you. La tête dans le shoegaze, la musique idéale pour hiberner cet hiver 2014 avec cet extrait du disque de Nadja, excellent disque Keller, sorti sur Essence Music en 33 tours. Donc la musique de Miss Léa Bukareff, bassiste de son état, et son conjoint Aidan Baker, guitariste lui, ainsi que vocaliste, et puis pas mal de bidouilles électroniques aussi pour les deux, pour pouvoir produire ces séquences assez telluriques, toujours des pièces à rallonge pour la musique de Nadja, qui n'a pas dû faire de titre, qui est descendu en dessous de 10 minutes depuis peut-être leur première démo. Voilà donc pour Nadja et ce disque Keller. On continue avec la musique de Hopitop, qui marque le retour du label de Tokyo Spec après pas moins de 3 ans d'absence et de silence. Donc pour ce label nippon qui avait produit beaucoup de choses fort intéressantes, telles que des disques de Andrei Kirichenko, de messieurs Taylor Depreux, William Basinski et autres, Stéphane Mathieu, également de Jeffrey Cantu, Ledelsma ou encore de The Alps. Il y avait aussi un disque de Felicia Atkinson de mémoire, hein, sur l'entité Spec avec 2K, et donc pas de disque depuis 2010-2011. Donc ce disque de Hopitop qui s'était déjà fendu d'un album sur ce label il y a de ça quelques années, ce disque Physis marque le retour et un peu les 10 ans aussi du label japonais. Donc Hopitop, qui est un duo tokyoïte qui navigue entre Ambient et Field Recordings, avec beaucoup de pointillisme électroacoustique. On y retrouve Shihai Atakuya et son camarade Tomoyoshi Dar, un disque qui a été réalisé apparemment juste après le dramatique séisme de 2011 lors d'un voyage du sud au nord du Japon. On écoute un extrait de ce Physis Hopitop. Thank you. Thank you. l'instant dans les îles les plus sûres de Dio qui pousse l'électroacoustique dans des retranchements un peu nouveaux. Tout d'abord un duo nippon sous le nom de Hopitop avec ce titre Warmth of Winter Woods, extrait de ce Physis sorti sur le label Spec, la musique de messieurs Shiai Atakuya et Tomoyoshi Dar. Excellent disque donc de Hopitop. Alors je ne sais pas trop combien ils en ont sorti, mais c'est le deuxième en date donc sur le label Spec, qui était enchaîné avec le duo, je crois que ce sont des Américains de Portland dans l'Oregon, messieurs Matt Carlson au synthétiseur analogique, harpe Odyssey et autres pédales modulaires, et le clarinettiste, basse et multi-effet Jonathan Silaf, alias les Golden Retriever, qui vont faire paraître à la fin du mois de mars un tout nouvel opus également sur le label Thrill Jockey, qui est une actualité assez chargée en ce printemps. Donc celui-ci s'intitule Seer, la musique des Golden Retriever, qui est vraiment assez originale dans le genre clarinette modifiée et synthétiseur modulaire analogique. Ils arrivent à en faire quelque chose de très très inventif, ces deux-là. Donc je ne peux que vous conseiller ce Seer qui va sortir d'ici quelques semaines sur le label de Chicago Thrill Jockey, donc qui a pas mal de nouvelles cordes à son arc, notamment on devrait aussi avoir un tout nouvel opus de John Porras de Barn Hall apparaître sur Thrill Jockey, qu'on écoutera sans doute dans un prochain numéro de l'Asile le plus sûr. Voilà, je vous propose de continuer avec une séquence de jazz moderne et la musique du quatuor franco-nippon Kaz et leur disque Tornado, qui est sorti, je crois que c'était plutôt en fin d'année 2013 sur le label lillois Circumdisc. Donc un groupe qui réunit deux trompettes, Christian Pruvot et Natsuki Tamura, une section rythmique constituée d'un pianiste Satoko Fuji et Peter Orens à la batterie. Excellent disque et excellente composition par ce quatuor, dont c'est le deuxième album après Rafale, qui avait été aussi édité, si je ne m'abuse, par les bons soins du label lillois Circumdisc. On écoute donc un extrait de cet album, le temps de vous le caler, donc la musique de Kaz, K-A-Z-E, dans l'Asile le plus sûr, sur l'antenne du 94 MHz, également sur asile35.blogspot.fr. Et on va écouter le titre comme de juste qui démarre cet opus, le morceau Wow par le quatuor Kaz. Une séquence d'improvisation jazzistique qui a démarré avec le quatuor franco-nippon Kaz, alias messieurs Christian Pruvot, Natsuki Tamura, Satoko Fuji et Peter Orens, et un extrait de leur disque Tornado, le bien nommé, publié par Circumdisc, l'entité discographique de Lille et du Crime, le gang d'improvisation lillois. Excellent disque donc de Kaz, qui était enchaîné avec la musique du Norvégien Kimir, M-Y-H-R, quelqu'un qui est très très actif dans le domaine de l'improvisation guitaristique, notamment avec sa guitare 12 cordes, et un album solo qui vient tout juste de voir le jour sous le titre All Your Limbs Singings, sorti sur le label Sofa, le label de son compatriote Ingar Sash. Excellent disque donc de recherche et de tricot autour de la 12 cordes par Kimir, qui est quelqu'un qui a pas mal de cordes à son arc, notamment il joue aux côtés du trio Mural en compagnie de l'Australien Jim Denley et donc de Ingar Sash, le trio Mural qui devrait sortir aussi un coffret triple CD très très prochainement, sans doute également sur le label Sofa. Voilà, on va pas tarder à se quitter. J'espère que cette sélection vous a plu. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr ou écouter les précédentes émissions depuis la rentrée du mois d'août. Si vous avez manqué un numéro, l'ensemble des playlists est à jour et disponible sur ce blog. L'émission est aussi écoutable sur son Mixcloud en streaming. Je propose de conclure avec un disque qui n'est pas encore sorti. Il s'agit d'un nouvel album pour la moitié du projet MAN, à savoir donc le bassiste nantais Charles-Éric Charrier. Charles-Éric Charrier qui joue aussi dans le Floating Route Orchestra. Ces dernières années, on a pu l'entendre dans des disques solo pour le moins réussis, notamment sur les labels Experimedia ou plus récemment à l'automne dernier sur Monotype avec un disque sous le titre C6 Jig. Charles-Éric Charrier qui est très très prolifique en ce moment, puisqu'il va sortir un nouvel album sous son nom, sous le titre Petite Sœur, à la fin du mois d'avril sur le label JZ. Comme les pyramides, G-I-Z-E-H. On y retrouve aux côtés de quatre autres musiciens multi-instrumentistes tels que Cyril Sec, qui joue à peu près tout, harmonium, Fender Rhodes, guitare, Ibo guitare et autres, piano acoustique, un disque plutôt fort réussi dans un registre, nous dit-on, entre Earth et Anouar Brahim. Et c'est vrai que c'est pas vraiment faux, il y a un petit côté ECM presque aussi sur ce disque de Charles Eric Charrier. Je propose d'écouter le titre qui est disponible sur le site de JZ, jzrecords.com, le titre Instant Moment, qui sera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous souhaite une excellente nuit, à bientôt.